Écoutez, monsieur, pouvez-vous me donner les horaires des trains aller-retour de Le Mans-Tours? Le matin ou l'après-midi? Le matin, au départ du Mans, en fin d'après-midi, au départ de Tours. 6h17, arrivée à Tours, 7h48. C'est un peu tôt. Il faut que je sois à Tours à 11h. 9h58, arrivée à Tours, 11h03. C'est un peu juste. Je serai en retard à mon rendez-vous. Il n'y en a pas entre les deux? Si, 7h44, Tours, 8h47. Mais c'est un train à supplément. Il circule tous les jours? Oui. Et pour revenir en fin d'après-midi, qu'est-ce que j'ai? Il y en a un qui part de Tours à 16h50 et qui arrive au Mans à 17h30. Je risque de le rater. Donnez-moi l'heure du suivant. 18h45, arrivé au Mans 20h. Merci, monsieur. Le matin ou l'après-midi? Six heures 17, arrivée à Tours, 7h48. Neuf heures 58, arrivée à Tours, 11h03. 7h44, Tours, 8h47. Mais c'est un train à supplément. Oui. Il y en a un qui part de Tours à 16h50 et qui arrive au Mans à 17h30. Dix-huit heures quarante-cinq, arrivée au Mans 20h.